Quiconque a regardé le soleil fixement, croit voir devant ses yeux voler obstinément. Autour de lui dans l'air une tache livide, livide. Merci à toi Baudelaire, toi qui as écrit ces quelques vers. Merci à toi Rimbaud, toi qui m'as laissé ces quelques mots. Ainsi tout jeune encore et plus audacieux, sur la gloire un instant j'osais fixer les yeux. Point noir est resté dans mon regard à vie, à vie. Merci à toi Baudelaire, toi qui as écrit ces quelques vers. Merci à toi Rimbaud, toi qui as laissé ces quelques mots. Depuis partout mêlé comme un signe de deuil, partout sur quel endroit que s'arrête mon œil. La voix se posait aussi la tache noire. Merci à toi Nerva, toi qui nous descends de notre piédestal. Merci à toi Nerva, toi qui as compris ce qu'était le mal. Quoi sans cesse entre moi et le bonheur? Ses collègues le seul. Malheur à nous, malheur. Contemple impunément le soleil et la gloire.